第四十八课，补充生词，九十九页。 Soupar, je soupar. Coudache, je coudache. Choubar, je choubar. Boucache, je boucache. Loumad, je loumad. Goudal, je goudal. Choulam, je choulam. Koubad, je koubad. Doubar, je doubar.Houlal, je houlal. Koulal, je koulal. Noucham, je noucham. Tohar, je tohar. Borach, je borach. Choulach, je choulach. Moula, je moula. Touma, je touma. Tsouva, je tsouvé.Goula, je goulé. Koussa, je koussé. Koula, je roulé. Romam, je romam. Holal, je holal. Kolkal, je kolkal. Golgal, je golgal.